France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'une rencontre improbable en pleine guerre froide. Nous sommes en 1959. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des millions de personnes grandissent dans la peur de l'adversaire sous la menace permanente d'une attaque nucléaire qui ne viendra jamais, mais on ne pouvait pas le savoir. D'autant que les deux blocs ont soigneusement entretenu cette angoisse autour d'une doctrine adoptée et par Moscou et par Washington qu'on a baptisée l'équilibre de la terreur. Mais alors que la situation à Berlin-Ouest est sur le point de déclencher une crise grave, Khrouchtchev est invité par Eisenhower à visiter les États-Unis. C'est une première pour un dirigeant soviétique. Ainsi démarre un voyage diplomatique des plus rocambolesques, à la manière d'un road movie surréaliste, avec en tête d'affiche Khrouchtchev donc, et une génération de baby-boomers fascinés par cet ours soviétique imprévisible qui deviendra en quelques jours à peine la coqueluche des médias américains. Notre invité, Andrei Kozoroy, professeur d'histoire russe à l'université de Lille et spécialiste de la guerre froide du côté soviétique. Il est l'auteur du livre intitulé « Service secret russe des tsars à Poutine » paru chez Talendier et d'une biographie de Léonid Brechnev chez Perrin. Il nous attend dans les studios de France Bleu à Lille que nous remercions pour leur accueil. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Bettina Lioret, coordination Franck Cognard, chargé programme Rebecca de Nantes, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. 15 septembre 1959, aérodrome militaire d'Andrews, dans le Maryland. En cette fin de matinée, les quelques 3000 habitants de cette base de l'US Air Force ont fait le déplacement sous un soleil de plomb pour assister à un événement historique sans précédent. Le président Eisenhower est bien présent, mais ce n'est pas lui qu'on est venu voir. Non, celui qui occupe tous les esprits ce jour-là et dont on annonce l'arrivée depuis des semaines dans la presse n'est autre que l'ennemi public numéro un de l'Amérique et de l'Occident, le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, Nikita Khrouchtchev. Alors qu'un énorme avion comme ça va construire les soviétiques apparaît dans le ciel et entame son atterrissage sur le tarmac, au sol, chacun retient son souffle. L'un des nombreux journalistes dépêchés sur place pour l'occasion note alors sur son carnet « L'homme qui va descendre de cet avion est pour nous l'incarnation du mal absolu ». Mais on ne peut s'empêcher d'être fasciné et d'attendre son arrivée avec impatience. L'instant d'après, celui qu'on se représentait la peau rouge, les yeux exorbités, un couteau entre les dents, apparaît en haut des marches. Et d'emblée, il surprend. Pas très grand, crâne dégarni, quelques cheveux blancs, il a l'embonpoint d'un bon vivant et arbore un large sourire. On dirait un paysan sorti tout droit de son kolkhoz. Bref, il n'a rien d'effrayant, cet homme. Le contraste avec les images de propagande est saisissant. Mais cela n'entame en rien la méfiance de la foule, après tout. La répression de Budapest, les missiles intercontinentaux, la menace nucléaire, c'est lui. L'accueil du public est donc glacial. Mais l'autre continue de saluer joyeusement les uns et les autres en descendant l'escalier à la rencontre d'Eisenhower. Rappelons-le, jamais un dirigeant soviétique n'avait foulé le sol américain. C'est désormais chose faite. Alors forcément, dans tout le pays, les journaux télévisés ne parlent que de ça. Comme en témoigne cet extrait de documentaire de Tim Toitze, intitulé « Khrouchtchev à la conquête de l'Amérique ». L'émission d'aujourd'hui est consacrée à un homme au nom difficile à épeler. Je me trompe ? À peine une personne sur 20 sait épeler le nom de Khrouchtchev. Essayez un peu pour voir. Eh bien, c'est K-H-R-O-U-C-H-T-C-H-E-V. Le voici de profil. Nous ne l'avions jamais vu d'aussi près. Que pouvons-nous apprendre de cet homme au sommet du pouvoir ? L'annonce de cette visite officielle quelques semaines plus tôt a surpris tout le monde. Et pour cause. Depuis des mois, on ne parle que de la situation explosive en Allemagne. En novembre 58, Khrouchtchev avait même menacé de transférer le contrôle de Berlin-Ouest à la RDA, ce qui était bien entendu hors de question. Alors, lorsque le 3 août 1959, les Américains apprennent dans les journaux que leur président a invité Khrouchtchev à visiter l'Amérique, ils n'en croient pas leurs oreilles. Et le plus invraisemblable, c'est que le numéro 1 soviétique a accepté l'invitation. Une anomalie de l'histoire qui enjoint les Américains à s'interroger sur cet ennemi de la nation qu'ils connaissent finalement assez mal. Qui est vraiment ce Khrouchtchev? Et comment cet homme rondouillard au regard farceur est-il devenu le leader du monde communiste? Nikita Sergeïevitch Khrouchtchev voit le jour le 17 avril 1894 et grandit les pieds dans la boue à Kalinovka, un petit village situé au sud-ouest de la Russie, près de la frontière ukrainienne. Pour ramener quelques roubles à la ferme, il garde les vaches dans les villages alentours, avant de devenir à 15 ans responsable de l'entretien des ascenseurs qu'empruntent les charbonniers pour descendre dans les mines. Une position pas très confortable, mais qui lui vaut d'échapper à la mobilisation de 1914. Mais l'avenir ne présage rien de bon. Car dans le régime tsariste de Nicolas II, il est presque impossible de s'extirper de sa condition sociale. Pourtant, 3 ans plus tard, tout semble possible. En 1917, en effet, l'empire que l'on croyait inébranlable s'effondre. Les bolcheviks prennent le pouvoir sous la houlette de Lénine. Et jusque dans les campagnes, chacun sommet de participer à la construction du nouvel ordre socialiste. Alors, lorsqu'en 1918, la guerre civile éclate, Khrouchtchev, âgé de 24 ans, adhère au Parti communiste et prend les armes dans les rangs des révolutionnaires. De retour à Youssoufka, dans les territoires russes de l'Ukraine décimés par la famine et les épidémies, où il s'est installé avec sa famille, Nikita Khrouchtchev se retrouve seul avec 2 enfants à nourrir. Sa femme est morte du typhus. L'ancien gardien de vache entame alors sa lente ascension politique, commençant par compléter à la faculté ouvrière une instruction jusque-là, disons-le, très sommaire, avant de devenir sous-directeur des mines à Youssoufka. En 1925, un an après la mort de Lénine, il est nommé apparatchik, c'est-à-dire membre de l'appareil du Parti communiste. Mais il lui faut désormais choisir son camp entre Trotsky et Staline. Grâce à un flair politique infaillible, Khrouchtchev choisit Staline. Une décision qui lui vaudra de survivre aux purges menées au sein même du parti entre août 36 et mars 37, assassinat politique de masse que Khrouchtchev justifie dans le discours qu'il prononce en janvier de la même année sur la place Rouge devant des milliers de moscovites. Ces assassins visaient le cœur et l'âme du parti. Ils ont levé une main scélérate sur le camarade Staline. En levant la main sur le camarade Staline, ils levaient la main sur nous tous, sur la classe ouvrière, sur les masses laborieuses, sur les doctrines de Marx, d'Engels et de Lénine, sur tout ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Car Staline, c'est l'espoir. C'est le phare qui guide l'humanité progressiste. Staline, c'est notre drapeau, c'est notre volonté, c'est notre victoire. À 43 ans, Khrouchtchev est le premier secrétaire du parti pour la ville et la région de Moscou. Pour en arriver là, il a dû gravir les échelons du parti en exécutant avec une servilité exemplaire les tâches les plus ingrates dictées par le chef incontesté. Il commence par combattre les étudiants qui s'opposent au régime, puis se voit confier les rênes du pharaonique projet de construction du métro de Moscou. C'est là qu'il démontre pour la première fois sa capacité d'action et sa poigne de fer. En déchirant, par exemple, les attestations médicales des ouvriers épuisés pour les forcer à respecter des délais intenables. À présent, c'est dans sa région natale, en République soviétique d'Ukraine, que Khrouchtchev doit faire ses preuves. Il est chargé par Staline de russifier le territoire de ses habitants. Déjà, il est saisissant de constater que presque un siècle plus tard, cette obsession perdure chez les Russes. Les Ukrainiens d'aujourd'hui en savent quelque chose. Dès l'arrivée de Khrouchtchev à Kiev, les arrestations et les exécutions redoublent, à commencer par celles de ses 2 prédécesseurs. Mais lorsque l'URSS entre dans la Seconde Guerre mondiale, et alors qu'il a pour mission de conduire ses hommes selon les ordres de Staline, Khrouchtchev se met à douter des capacités militaires du petit père des peuples. Comme il le racontera des années plus tard, lors du 20e congrès du Parti communiste. Quand la situation devint exceptionnellement grave pour notre armée en 1942, dans la région de Kharkov, nous renonçâmes à une mission dont l'objectif était l'encerclement de la ville. Je téléphonais à Staline, à sa datcha, mais il ne répondit pas au téléphone. Ce fut Malenkov qui le fit à sa place. Je lui dis que je téléphonais du front et que je désirais parler personnellement à Staline, mais ce dernier ne jugea pas utile de prendre le récepteur et me fit savoir que je devais m'adresser à Malenkov. Après nous avoir écoutés, Staline déclara « Il n'y a rien à modifier dans les dispositions qui ont été prises. » Et qu'est-ce qui résulta de tout ceci ? Le pire de ce que nous pouvions attendre. Les Allemands encerclèrent nos concentrations de troupes et nous perdîmes en conséquence des centaines de milliers de soldats. Finalement, Kiev est libéré des Allemands, mais le pays n'est plus qu'un champ de ruines. Khrouchtchev lui hérite d'un nouveau titre, président du Conseil de la République d'Ukraine. Une maigre consolation comparée à la situation dramatique dans laquelle est plongée cette République, dont il est maintenant l'administrateur. 2 ans plus tard, en effet, la famine commence à exercer ses ravages. Chaque jour, Khrouchtchev reçoit des lettres et des rapports faisant état de décès par inanition. Et bientôt, les premiers cas de cannibalisme lui sont signalés, comme il le raconte dans ses mémoires. Krichienko, alors secrétaire du comité régional d'Odessa, me signalait qu'il s'était rendu dans un kolkhoz afin de voir comment les paysans sous-alimentés résistaient aux rigueurs de l'hiver. Là, on lui dit d'aller faire une visite chez l'une des kolkhoziennes. Il entra chez cette paysanne. « Je découvris une scène d'horreur, me dit-il. La femme avait sur la table devant elle le cadavre de son enfant et elle le découpait. Tout en poursuivant cette sinistre besogne, elle parlait. « Nous avons déjà mangé la petite Marie. Maintenant, nous allons saler le petit Ivan. Voilà qui nous fera tenir un moment. » De retour à Moscou, après 11 ans passés en Ukraine, Khrouchtchev est accueilli avec tous les honneurs. Désormais membre du Politburo et du secrétariat du comité central, il évolue dans les plus hautes sphères du parti. Mais l'air y est irrespirable. Staline, rongé par la paranoïa, multiplie les purges contre les membres du parti. Et lorsque son état de santé se détériore sérieusement, ce sont les médecins, presque tous juifs, qui sont accusés de comploter contre le régime. Une machination ouvertement antisémite montée de toutes pièces par le NKVD, la police politique. Le 5 mars 1953, alors que la marche funèbre de Beethoven retentit dans tous les postes de radio, un message est diffusé avec insistance. Le chef bien-aimé, le guide suprême est mort. Les réactions parmi les soviétiques sont ambivalentes. Si certains se réjouissent que le dégel succède à la terreur glaciale qui dure depuis 1948, d'autres sont anéantis par la mort de celui qu'ils percevaient comme un dieu. Car il y a chez les communistes, pourtant officiellement athées, un rituel quasi-religieux. On embaume les saints, Lénine, Staline, on n'est pas loin de les béatifier. Cela n'empêche pas les héritiers du pouvoir d'être soulagés. Fini les purges, les assassinats. Et au passage, on se débarrasse de Beria, le chef de la police politique. C'est Khrouchtchev qui reçoit les clés du parti, quand Malenkov, son principal adversaire, doit se contenter, lui, de la direction du gouvernement. Pourtant, alors qu'il semble marcher dans les pas de son prédécesseur, Khrouchtchev va brutalement s'en affranchir. Au 20e congrès du Parti communiste, en 1956, il déclare que les relations internationales de l'URSS seront désormais orientées vers une coexistence pacifique avec les États-Unis. Présenté comme une transition graduelle et pacifiste vers la victoire du socialisme, ce virage est justifié par la puissance de l'Union qui compte de nombreux États satellites et puis surtout l'URSS comme son rival. possède désormais la bombe atomique. Cette stratégie d'apaisement n'a donc qu'un seul objectif, désamorcer la menace de destruction globale posée par les armes nucléaires de chaque côté. Mais Khrouchtchev va plus loin. En ce 14 février 1956, à la nuit tombée, il convoque tous les membres du Parti communiste pour une séance à huis clos et il entame le discours qui le fera définitivement entrer dans l'histoire. Les intentions de Staline à l'égard du parti et de son comité central devinrent pleinement évidentes en 1934. Il a été établi que des 139 membres et suppléants du comité central qui avaient été élus au 17e congrès, 98 avaient été arrêtés et fusillés, c'est-à-dire 70%. Pendant cette période, on a utilisé, sans tenir compte de son illégalité, la méthode qui consistait à faire préparer par le NKVD des listes de personnes dont le cas était du ressort du tribunal militaire et pour lequel les sentences étaient fixées par avance. Le discours résonne comme un coup de tonnerre. En dénonçant les crimes commis par Staline, Khrouchtchev ose ce que personne avant lui n'avait osé. Et dans la salle, des cris d'indignation percent le silence. Honte, assassin, livre-le à la justice. Mais Khrouchtchev poursuit, imperturbable. En 1937-1938, 383 de ces listes, contenant les noms de plusieurs milliers de fonctionnaires du parti, des soviets, des komsomols, de l'armée et de l'économie furent envoyés à Staline. Il approuva ces listes. Staline était un homme très méfiant, maladivement soupçonneux, nous l'avions appris en travaillant à ses côtés. Il était capable de regarder quelqu'un et de lui dire « Pourquoi avez-vous aujourd'hui un regard si fuyant ?» ou « Pourquoi vous détournez-vous sans cesse aujourd'hui et évitez-vous de me regarder droit dans les yeux ?» Khrouchtchev, pourtant, lui aussi, du sang sur les mains. Et il a lui-même signé certaines de ses listes de ses condamnations à mort. Alors, faut-il voir dans sa démarche un moyen de s'affirmer vis-à-vis d'un prédécesseur trop encombrant ou l'occasion de se racheter vis-à-vis de tous ces crimes auxquels il a largement participé? Difficile à dire. En tout cas, la population ne tarde pas à être informée des révélations de ce rapport qui n'a de secret que le nom. 3 ans après le choc du 5 mars 1953, et alors que le peuple s'est accoutumé à l'idée que Dieu est mort, on lui apprend que Dieu était un criminel. Voilà qui donne la mesure de l'impact. Parallèlement, Khrouchtchev fait son entrée sur la scène internationale. Les Européens doutent des accusations qui visent Staline, mais les ambassadeurs et les journalistes qui rencontrent l'auteur du fameux rapport tombe pour la plupart sous le charme de ce personnage jovial et exubérant. Contrairement à ses homologues, Khrouchtchev ne se montre ni circonspect ni méfiant à l'égard de ses partenaires étrangers. Parfois grossier, c'est vrai, mais comme pour rappeler ses origines paysannes, il fait sourire ses convives en piquant des crises de colère aussi excessives que passagères. Trouvant le contexte favorable, le président Eisenhower, réélu 2 ans plus tôt pour un ultime mandat sous le signe de la paix et de la prospérité, propose alors une idée audacieuse. Inviter Khrouchtchev à visiter l'Amérique et ainsi favoriser l'issue des négociations sur la question de Berlin. Le programme prévu par la Maison-Blanche est pour le moins chargé. Après Washington, Khrouchtchev s'envolera vers New York, Los Angeles, San Francisco, puis vers Des Moines dans l'Iowa et Pittsburgh en Pennsylvanie, avant de retourner à Washington, d'où il rejoindra Camp David. Le tout en 13 jours seulement. Khrouchtchev accepte, sans hésiter, avec un agenda quelque peu différent. Parce que lui voit dans ce voyage l'occasion de démontrer que la puissance de l'Union soviétique est équivalente à celle des États-Unis, sur le plan diplomatique au moins, en attendant le jour où l'URSS surpassera son adversaire, ce dont Khrouchtchev est intimement persuadé. You're a lonely. Said you cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. 'Cause I cried a river over you. Say you're sorry for being so untrue. So what? Just cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear. Remember, I remember all you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. Say you love me. Well, just prove you do. Go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river. 'Cause I'm tired of crying over you. Affaires sensibles sur France Inter. Nous sommes venus à vous, le cœur ouvert et animé de bonnes intentions, a dit M. Khrouchtchev en arrivant sur l'aérodrome de Washington, où le président Eisenhower était venu accueillir le président du Conseil des ministres de l'Union soviétique. Et c'était la Maison Blanche où les deux hommes d'État devaient avoir leur premier entretien. C'est aussi le moment que M. Khrouchtchev avait choisi pour remettre au président Eisenhower la réplique exacte des emblèmes soviétiques emportés par l'unique 2 sur la Lune. À peine arrivé, Khrouchtchev passe à l'attaque et offre à son homologue déjà Mossad un cadeau empoisonné. Une provocation même qui lui rappelle que l'URSS vient de réussir un exploit de taille, l'envoi d'une sonde spatiale sur la Lune. 2 ans plus tôt déjà, avec la mise en orbite de Spoutnik, les Soviétiques avaient infligé une défaite retentissante aux Américains, longtemps perçus comme les pionniers de la conquête spatiale. Vous reprendrez bien un peu de champagne. Le lendemain, au National Press Club de Washington, Khrouchtchev se prête à un exercice peu commun pour un dirigeant soviétique, la conférence de presse. Parce qu'en URSS, régime totalitaire, il n'y a pas d'opinion publique, par définition, donc pas ou peu de conférences de presse. Pour les journalistes présents dans la salle, l'occasion est trop belle. Mais quand on lui demande le rôle qu'il a joué auprès de Staline, Khrouchtchev explose de rage, accuse l'Assemblée de vouloir le mettre mal à l'aise et il menace. Méfiez-vous, vous risquez de le regretter. Malaise dans la salle. En réalité, en jouant la carte de la colère, Khrouchtchev esquive la question. Une stratégie qu'il conservera tout au long de son voyage. Le 17 septembre 1959, Times Square. Ce matin-là, des milliers de New-Yorkais, abreuvés de propagande anticommuniste, se sont levés aux aurores pour apercevoir Khrouchtchev et, si possible, lui vociférer quelques insultes. Mais les centaines d'agents du département d'État, du FBI et de la CIA postés dans toute la ville et chargés d'assurer la sécurité du dirigeant communiste le savent. Le moindre incident mettant en danger la vie de Nikita Khrouchtchev entraînerait peut-être une attaque nucléaire immédiate. Bon, ce qui paraît difficile à imaginer, mais en ces temps de guerre froide, on est plus que méfiant. Quelques jours plus tôt, le FBI a d'ailleurs diffusé l'information selon laquelle pas moins de 25 000 Américains projetaient d'assassiner le visiteur lors de son voyage officiel. Donc, on change l'itinéraire du cortège Et tant pis pour les New Yorkais excédés qui ont refait le déplacement pour rien. Après avoir présenté son plan de paix et de désarmement global au siège des Nations Unies, l'artisan de la déstalinisation s'envole vers la côte ouest pour un déjeuner avec le président de l'indétrônable société de production américaine, la 20th Century Fox. Pendant ce temps, dans les villas cossues baignées de soleil qui jonchent les collines verdoyantes d'Hollywood, Beverly Hills, Elizabeth Taylor, Debbie Reynolds et Shelley Winters enfilent leur plus belle parure, impatientes d'assister à cette rencontre du troisième type. La suite, c'est Karen Spy qui la raconte dans sa biographie intitulée « Monsieur Romain Gary, consul général de France ». Lorsque les sirènes du cortège, ayant traversé la ville à toute allure, parviennent au sommet des collines de Hollywood, l'attention est à son comble. Il y a là Gary Cooper, qui portait le matin même un costume de cow-boy sur le tournage d'un dernier western. Cary Grant, qui vient de survivre à Hitchcock et à la mort aux trousses. Ou encore Marilyn Monroe, arrivée parmi les tout derniers invités. Autant de célébrités du monde du cinéma, réunies en un même lieu, pour un même événement, les journalistes présents n'ont jamais rien vu de pareil. Elles sont plus de 400 à se presser dans les salons d'honneur du Café de Paris, plus habitués aux producteurs de la 20th Century Fox qu'aux chefs d'État en visite officielle. À l'intérieur du restaurant, les invités patientent nerveusement et s'interrogent. Y aurait-il des agents secrets parmi les serveurs ? En attendant, l'absence d'un acteur fait particulièrement jaser. Le très droitier Ronald Reagan, qui d'après les gossips, aurait décliné l'invitation pour des raisons idéologiques, ce qu'on n'a pas de mal à croire. L'instant d'après, Nikita Khrouchtchev et sa femme, Nina, font leur entrée dans la salle sous un tonnerre d'applaudissements. Après avoir trinqué allègrement avec son hôte, le président de la Fox, Spyros Skouras, se lance dans un discours qui vante les mérites du rêve américain, comme en témoigne cette archive extraite du film Khrouchtchev à la conquête de l'Amérique. Monsieur le Premier secrétaire, en toute modestie, je vous prie de me regarder. Mes deux frères et moi avons grandi dans un minuscule village grec. Nous venons d'une famille très pauvre. En 1910, nous sommes venus vivre ici. Je suis devenu serveur. Grâce au système américain d'égalité des chances, j'ai aujourd'hui le privilège d'être le président de 20th Century Fox. Bon, pas de quoi impressionner Khrouchtchev, convaincu de la supériorité de son modèle social et qui réplique aussitôt. Vous me faites une excellente impression et je tiens à vous exprimer tout mon respect. Mais cela ne m'épate pas tant que ça. Vous voulez savoir qui je suis ? J'ai commencé à travailler le jour où j'ai appris à marcher. J'ai gardé les veaux, moutons et vaches des capitalistes. Puis j'ai travaillé à l'usine et à la mine. Et regardez-moi, aujourd'hui, je suis le premier ministre de l'URSS. Et voilà comment le leader du monde communiste écorne l'image du self-made man américain dans l'hilarité générale. Mais alors que la pression semble s'être dissipée et que Nina Khrouchtchev montre des photos de ses petits-enfants à Frank Sinatra, son mari, Nikita, change brutalement de ton. On lui avait dit qu'il verrait cette ville, comment s'appelle-t-elle déjà ? Disneyland, voilà. Mais la visite a été annulée. Et Khrouchtchev s'emporte. Et il dit... Des gangsters ont-ils envahi Disneyland ? Veulent-ils me tuer ? Je croyais pouvoir me balader librement parmi les citoyens de cette démocratie, mais non, c'est impossible. C'est bien dommage. Je suis très déçu et très mécontent. Merci de votre attention. Ambiance, bis. Les convives n'en reviennent pas. Est-ce que le leader communiste vient de faire un caprice comme un enfant privé de Disneyland ? Face à ce comportement, disons, atypique... Les producteurs, chargés de le balader dans les studios, ont une idée. Après un spectacle de French Cancan endiablé, proposé par la troupe de colporteurs, ne serait-il pas judicieux de prendre Khrouchtchev en photo dans une posture embarrassante, près d'une danseuse qui dévoilerait ses bas blancs en soulevant sa jupe ? par exemple. Le soir même, c'est au tour du maire de recevoir le numéro 1 soviétique. Et il aurait sans doute mieux fait de s'abstenir. Installé dans la grande salle de l'hôtel ambassadeur, Khrouchtchev comprend tout de suite qu'il est en territoire ennemi. C'est alors que Norris Poulson, fervent républicain, rappelle avec une pointe de sarcasme les propos du chef de Kremlin qui déclarait 3 ans plus tôt, en s'adressant à des ambassadeurs occidentaux, « Nous vous enterrerons ». Comme à son habitude, Khrouchtchev réplique par la menace. Trêve de plaisanterie. Le but de ma visite est très sérieux, mais vous essayez de tourner ça en dérision. Essayez de comprendre de quoi il retourne exactement. Sachez qu'il est question de guerre ou de paix, de vie ou de mort. De retour à l'hôtel, Khrouchtchev fait une entrée fracassante sous les regards incrédules de son staff. En hurlant, il peste contre ces Américains qu'il ne traite pas avec respect. D'abord, la visite annulée à Disney, puis les propos humiliants du maire. Alors qu'il menace bruyamment de repartir dès le lendemain en URSS, Khrouchtchev, affichant un large sourire, pose l'index sur ses lèvres et montre le plafond où, selon lui, le FBI a installé des micros. C'est le monde à l'envers. Le dirigeant d'un régime totalitaire donne des conseils de démocratie et de respect des libertés à l'Amérique démocratique. Eh bien, ça marche. Comme en témoignent ces actualités diffusées le lendemain à la télévision américaine. Voyons ce que pense Washington de la situation actuelle. Pour CBS News, voici Howard Smith. À Washington, où la visite officielle atteindra bientôt son apogée, les avis concernant la première partie du séjour sont mitigés. La Maison-Blanche a demandé aujourd'hui à ce que Khrouchtchev soit traité avec le plus grand respect. Il serait dommage que ces deux puissances nucléaires, qui ont survécu au blocus de Berlin et à la guerre de Corée, se fâchent à cause d'une visite ratée au parc Disneyland. Washington veut éviter de compromettre les discussions que Khrouchtchev engagera avec le président Eisenhower. Dès lors, tout est mis en œuvre pour apaiser celui que la presse surnomme désormais Mr. K. Le leader communiste veut voir de vrais Américains, soit. L'après-midi même, la Maison-Blanche l'autorise à marquer un arrêt dans une petite ville qui borde la route vers San Francisco. À peine descendu du train, Khrouchtchev pressent que quelque chose a changé. Si toute la ville semble s'être déplacée pour l'accueillir, cette fois, les regards méprisants et les silences accusateurs ont laissé la place à une soudaine admiration, oui, et même à une ferveur sincère. Il semblerait que les Américains compatissent. Après tout, pourquoi interdire à ce pauvre homme d'aller à Disneyland ? Et en apercevant la horde de journalistes qui ne le quittent plus d'une semaine, Khrouchtchev comprend qu'il est devenu, en quelques jours à peine, une star. Depuis qu'il a foulé le sol américain, quelques jours plus tôt, les médias de tout le pays se sont mobilisés pour retranscrire chacune des étapes de son voyage. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à la télé, à la radio et dans les journaux, on décortique tous ses faits et gestes dans les moindres détails. Même la crise cardiaque d'Eisenhower n'avait pas fait autant de bruit. Et pour cause. Tendre et affectueux un jour, impétueux et colérique le jour suivant, Khrouchtchev est imprévisible, drôle et dangereux à la fois. Bref, il fait le spectacle. Ravi, l'ego en bandoulière, il se laisse emporter dans ce bain de foule improbable sous les regards anxieux de ses gardes du corps. Face aux objectifs des photographes, il a le sourire bienveillant, il serre des mains, baragouine quelques mots d'anglais et fait même monter une petite fille sur ses épaules avant de repartir, satisfait de lui-même. Dès lors, le voyage diplomatique prend une toute autre tournure. Khrouchtchev bascule dans le monde des rockstars. À l'instar de Chuck Berry, Little Richard ou Elvis Presley, il ne peut plus faire un pas sans être envahi par une foule d'Américains en délire et par une horde de reporters surexcités. Le 20 septembre, la visite d'un supermarché tourne à l'émeute. Dans tout le magasin, les jeunes filles s'évanouissent et les équipes, dépassées par les événements, décident d'exfiltrer la vedette. Le lendemain, à Des Moines, il peine à se frayer un chemin dans une usine de saucisses et se retrouve mitraillé par les flashs alors qu'il croque à pleines dents dans un hot dog. L'image fera le tour du monde et sans doute du Kremlin. De loin, Eisenhower n'a pas perdu une miette de tout ce cirque médiatique qui l'a fait passer de fait au second plan. Mais il espère sans doute avoir suffisamment flatté l'ego de son homologue soviétique pour favoriser les négociations prévues à la fin de son séjour. Seulement voilà, Khrouchtchev n'a jamais eu l'intention de faire avancer le moindre dossier en venant en Amérique. Non, ses objectifs étaient ailleurs, comme il le racontera des années plus tard dans ses mémoires. Pendant nos discussions à Camp David, Eisenhower n'arrêtait pas de me dire « Monsieur Khrouchtchev, j'aimerais vraiment que l'on se mette d'accord sur ces sujets brûlants. » À cela, je répondais « Monsieur le Président, cela me ferait grand plaisir à moi aussi. » Mais au fond de moi, je me disais « Comment voulez-vous que l'on se mette d'accord ?» À l'époque, nos deux pays étaient en totale opposition dans presque tous les domaines. Les conditions n'étaient tout simplement pas encore réunies pour que nous tombions d'accord sur quoi que ce soit. Honnêtement, je ne m'étais pas fait d'illusions. Je ne pensais pas que nous ferions disparaître tous les problèmes mondiaux d'un coup de baguette magique. Il faut être réaliste, Moscou ne s'est pas fait en un jour. Mais au bout du compte, la stratégie de Khrouchtchev fonctionne au-delà de ses espérances. En soufflant le chaud et le froid, il voulait déstabiliser ses homologues américains et forcer leur respect au nom de l'URSS et de sa puissance réelle ou supposée. Eh bien, c'est plus que réussi. En acceptant l'invitation d'Eisenhower, Khrouchtchev a réalisé un tour de force. Il a donné un visage humain, presque familier au communisme, et ainsi dédiabolisé l'URSS aux yeux du peuple américain, au moins provisoirement. Comme il le déclare lui-même dans ses mémoires, « Nous sommes venus en Amérique pour voir et être vus, et c'est exactement ce que nous avons fait. » Écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui, le voyage de Nikita Khrouchtchev aux États-Unis, premier voyage officiel d'un numéro 1 soviétique en Amérique. On en parle avec notre invité Andrei Kozhovoy. Bonjour, Andrei Kozhovoy. Professeur d'histoire russe à l'université de Lille, vous êtes spécialiste de la guerre froide du côté soviétique. Vous avez écrit entre autres « Service secret russe des tsars jusqu'à Poutine » paru chez Talendier et une biographie de Léonid Brejnev intitulée « Elle, l'anti-héros » et paru chez Perrin. Alors, l'une des raisons qui justifie cette invitation de Khrouchtchev par les Américains, on l'a dit, c'est la situation à Berlin-Ouest. Que se passe-t-il à ce moment-là, en 1959, à Berlin ? Alors, Berlin, si vous voulez, c'est une ville divisée. C'est une ville divisée depuis la guerre. comme l'Allemagne elle-même, divisée en secteurs d'occupation entre quatre puissances occidentales d'un côté, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et de l'autre côté, donc l'Union soviétique. Vous avez cette situation un peu anormale hein, qui existe puisque Berlin-Ouest se trouve en territoire de la soviétique, en territoire communiste plutôt, et à 160 km de l'Allemagne de l'Ouest. Et Khrouchtchev poursuit d'une certaine manière la politique de Staline. Pour Staline, c'était déjà insupportable que d'avoir ce que Khrouchtchev va qualifier plus tard de tumeur cancéreuse. Cette vitrine du capitalisme au cœur d'un territoire communiste. Et la RDA en l'occurrence. Et la RDA qui a été créée avec la RFA en 1949. Voilà, donc vous avez cette épine dans le pied de Khrouchtchev et surtout des dirigeants est-allemands. C'est surtout les dirigeants est-allemands, en premier lieu Walter Ulbricht, qui, le chef du Parti communiste, le secrétaire général du Parti communiste est-allemand, qui pousse Khrouchtchev à résoudre cette question qui, encore une fois, est un problème depuis très longtemps, hein, depuis l'époque de Staline, oui. Qui avait lui-même poussé à une crise, on se souvient, en 1948, avec le blocus de Berlin. Et d'après vos recherches, ce voyage n'aurait jamais dû avoir lieu. En fait, il s'agirait plutôt d'un malentendu, c'est vrai ? Absolument. En réalité, il y avait une condition hein, à la visite de Khrouchtchev aux États-Unis. Cette condition, Eisenhower l'avait posée en disant que ce voyage ne pourrait avoir lieu que si Khrouchtchev acceptait une résolution favorable à la question de Berlin-Ouest qui serait acceptée par les Occidentaux. Donc cette condition, elle est passée à la trappe. Et finalement, Khrouchtchev n'a compris qu'une chose, c'est qu'il était invité, point. Il n'y avait aucune condition à sa visite. Ah, alors, comment se fait-il que Khrouchtchev veuille tellement venir en Amérique ? On dit qu'il avait une réelle fascination pour les États-Unis, ce qui peut paraître surprenant pour un dirigeant soviétique, bien que... Enfin, comment l'expliquez-vous ? Absolument. Alors Khrouchtchev, si vous laissez un petit peu le soviétique moyen, vraiment à l'époque, les soviétiques ont cette attitude, et les Russes aujourd'hui, encore une fois, ambivalente envers l'Occident. D'un côté, donc, vous avez l'anti-occidentalisme, l'anti-américanisme primaire, on va dire, dans la propagande, dans les discours officiels, et puis en même temps une fascination... pour l'Occident, pour les États-Unis notamment, depuis très très longtemps. Hein. C'est quelque chose qui remonte au 19e siècle en réalité. Pendant longtemps, on avait toute une littérature qui a comparé la Russie et les États-Unis, qui étaient, on disait, des pays très proches sur plein de plans. Et Khrouchtchev lui-même, si vous voulez, tributaire, il porte en lui cette culture ambivalente de la fascination pour les États-Unis. Et d'autre part, ça c'est très important aussi, c'est quelqu'un qui aime voyager. Contrairement à Staline, par exemple. De ce point de vue-là, on a souvent opposé les deux hommes. Staline, qui s'est très très peu rendu à l'étranger. Hein, c'est lui qui a insisté pour organiser la conférence de Yalta donc, en 1945. La seule fois où il s'est rendu à l'étranger pendant la guerre, c'était à Téhéran en 1943. Voilà. Alors que Khrouchtchev, c'est un type qui voyage, qui aime ça, qui aime se déplacer, qui aime rencontrer les gens. Hein. C'est une, on va dire, c'est une bête de scène. Et mais ça se voit d'ailleurs. Et ça se voit. Il a eu de la pratique, si vous voulez, à l'époque de Staline. Nos auditeurs savent peut-être, ils ont lu peut-être le livre de Sebag Montefiore qui racontait avec moult détails les soirées passées à la datcha de Staline au cours desquelles Khrouchtchev amusait la galerie, amusait Staline. Staline lui demandait de danser le gopak, la danse traditionnelle ukrainienne. Il demandait de danser avec Malenkov, avec un autre homme. Enfin, c'était vous imaginez le genre d'atmosphère qui devait y régner. Évidemment, l'alcool coulait à flot. Et Khrouchtchev était habitué à ce rôle de clown, de bête de scène. Donc, il va jouer ce rôle de bête de scène, de clown, d'acteur, en imitant des colères, hein, des colères noires. C'est vrai que c'était quelqu'un de colérique, mais c'était souvent, comme vous l'avez dit, simulé. Voilà. Donc, il a envie de visiter les États-Unis. Ça fait très longtemps qu'il veut s'y rendre. Et il est déjà allé dans plein de pays étrangers, mais pas aux États-Unis. On continue à parler de ce dirigeant soviétique atypique après avoir écouté Jeanne Haddad. Au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est pas la fin. Je ne mentirai pas. Ce n'est qu'un au revoir, au moins jusqu'à demain. Je ne te l'apprends pas, le contraire de tout n'est pas rien. écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le voyage de Nikita Khrouchtchev aux États-Unis en 1959. On en parle avec vous, Andrei Kozovoy, historien, spécialiste de la période soviétique. Je me dis quand même que Khrouchtchev devait avoir une position forte au sein du Politburo, parce que déjà, il dénonce les crimes de Staline, ça pouvait être dangereux, il aurait pu être renversé. Et puis après, il va faire copain-copain avec les stars Hollywood aux États-Unis. Quelle était sa position? Elle était très solide à cette époque-là? Absolument. Je pense qu'en 1959, Khrouchtchev, il est à l'apogée de sa toute puissance au sein du Politburo, ou comme on dit à l'époque, le Présidium, c'est-à-dire l'organe dirigeant soviétique. En 1957, il a réussi à déjouer un complot qui visait à le renverser par d'anciens staliniens, parmi lesquels Molotov, hein, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Staline. Et en 1959, il est vraiment, il se sent tout puissant, il se sent libre de faire ce qu'il a envie de faire, et donc de se rendre aux États-Unis, de se rendre dans l'antre du capitalisme, dénoncé, on le sait, dans la propagande soviétique comme étant un pays où tout va mal, qui va vers le grand chaos, vous voyez. Lui, je pense, il n'y croit pas trop. Hein, il a tellement entendu de choses, et c'est un type qui est méfiant, c'est, naturellement, de tout ce qui est écrit. Il ne croit pas toujours dans ce qu'il lit. D'ailleurs, il ne lit pas beaucoup. Hein, c'est pas quelqu'un qu'on peut qualifier d'intellectuel. Il veut voir par ses propres yeux. Il veut se rendre compte de ce qui se passe. Hein, il y a une vraie curiosité à l'origine de ce voyage. Il y a bien sûr une intention diplomatique. Les Soviétiques nourrissent un important complexe d'infériorité par rapport aux Américains. Ils se disent, nous qui sommes arrivés à tant de prouesses dans le domaine spatial notamment, pourquoi nous ne sommes toujours pas sur le même plan que les Américains? Pourquoi nous n'avons toujours pas rencontré les Américains? Et ça fait partie de la politique de Khrouchtchev. La coexistence pacifique qu'il a annoncée en 1956 au 20e congrès. Mmh. Voilà. Et c'est une illustration de cette coexistence pacifique. Des systèmes que tout oppose, capitalistes, communistes, ne sont pas voués à se détruire par des armes nucléaires, mais peuvent très bien coexister, vivre ensemble, échanger, coopérer. Des étudiants peuvent se rendre par exemple aux États-Unis et des Soviétiques, des Américains peuvent se rendre en URSS, etc. Vous avez des échanges dans le domaine du cinéma, puisqu'on a parlé d'Hollywood qui vont se mettre en place à la fin des années 50, c'est très important aussi. Et donc, c'est une illustration, et si vous voulez, c'est un ambassadeur de cette coexistence pacifique, hein, sur place. Voilà. Mmh. Et puis, c'est très important, c'est une opération de propagande ou de contre-propagande, si on veut être précis. Puisque, vous l'avez dit aussi, aux États-Unis, ce qui prévaut, c'est l'image du bolchevique, le couteau entre les dents. Oui. Hein. C'est donc une culture anticommuniste très forte qui prévaut. Et c'est pour casser cette culture anticommuniste très forte que Khrouchtchev vient aux États-Unis. Alors on peut comprendre dans cette logique les bénéfices que peuvent en tirer l'Union soviétique, mais les Américains, qu'est-ce qu'ils ont eu à gagner, eux, au-delà de la coexistence pacifique? Alors, pour les Américains, il s'agit d'essayer d'apaiser Khrouchtchev. N'oublions pas encore une fois que Khrouchtchev a lancé cet ultimatum qui fait peur. Hein. En novembre 1958, il a dit aux Occidentaux, vous avez 4 mois pour négocier avec l'Allemagne de l'Est. Nous servons d'intermédiaire pour conclure un traité autour de la question de Berlin-Ouest. Encore une fois, Berlin-Ouest, c'est une tumeur cancéreuse pour Khrouchtchev. Vous avez chaque mois des milliers de personnes qui quittent l'Allemagne de l'Est, qui fuient l'Allemagne de l'Est via Berlin-Ouest, hein, puisqu'à l'époque, on peut très bien partir soit par bus, soit par voiture, en métro même. C'est, hein, c'est pour ça que le mur sera construit d'ailleurs en 61. Alors en 1961, voilà, c'est une fuite, et c'est un risque économique très important. Vous avez un risque de crise économique, d'effondrement économique même pour la RDA. Vous avez Ulbricht, le chef donc de la RDA, qui pousse Khrouchtchev à agir. Et pour les Américains, cet ultimatum est absolument insupportable. Il y a un risque de guerre quand même derrière. Hein. Khrouchtchev le dit, et d'une certaine manière, on peut comparer la crise de l'époque à celle d'aujourd'hui. Les Américains vont-ils se montrer capables de défendre leur allié, l'Allemagne de l'Ouest, Berlin-Ouest, au risque de provoquer une guerre nucléaire? Telle est la question qui est posée à l'époque, et c'est un parallèle, à mon avis, à faire avec la guerre en Ukraine aujourd'hui. Oui, et le problème, c'est qu'ensuite, tout ça tombe un peu à l'eau, puisque les Soviétiques repèrent un avion espion américain, capturent le pilote, Eisenhower est pris la main dans le sac, mais il nie en bloc les accusations d'espionnage, donc la situation se tend, et puis bien sûr, après, il y a la crise de Cuba, donc le Khrouchtchev ouvert, c'est pour ça que je pensais à Gorbatchev. Oui, mais vous avez raison de faire d'une certaine manière cette confusion Khrouchtchev-Gorbatchev. Khrouchtchev a posé les bases de ce que sera plus tard la perestroïka gorbatchevienne. Le rapprochement avec l'Occident, le dégel modèle, la coexistence pacifique, ce sont des idées qui sont mises en pratique par Khrouchtchev. La réhabilitation, les publications d'auteurs interdits, etc. Mais là, on s'éloigne du sujet. Replaçons un petit peu la chronologie. 59, vous avez le voyage de Khrouchtchev, qui se passe plutôt bien dans l'ensemble. Il part des États-Unis en ami. Mmh. Le problème, c'est que l'année suivante, vous l'avez dit, vous avez cette crise de l'avion U2, un avion espion. Et à ce propos, il faut quand même souligner pourquoi est-ce que c'est une tumeur cancéreuse Berlin-Ouest pour les soviétiques. C'est parce que Berlin-Ouest, c'est aussi une base d'espionnage énorme au cœur du monde communiste qui permet d'avoir une vue imprenable, n'est-ce pas, sur le monde communisme via des satellites espions, etc., via des bases d'espionnage. Mmh. Donc ça, c'est très important. Donc vous avez en 1960, cette crise qui montre qu'il y a un tournant, un vrai tournant d'aggravation des tensions qui vont aller croissant jusqu'à cette crise de Cuba en octobre 62 dont vous avez parlé, qui est l'apogée, on peut le dire, de cette guerre froide qui va continuer plus tard, mais on n'aura plus ce genre de crise aussi terrible. Et puis, il y a un lien entre le voyage de Khrouchtchev et la crise de Cuba. Encore une fois, c'est Berlin. La question de Berlin ne sera pas résolue à la suite de ce voyage. Elle ne sera pas résolue à la suite de ce sommet de Paris en 1960. En 1961, Khrouchtchev rencontrera le successeur d'Eisenhower, Kennedy. Il va penser que Kennedy, c'est un petit jeune qu'il pourra se mettre dans la poche. Et c'est ce qui va lui donner des ailes pour envoyer des missiles sur l'île de Cuba. Tout est lié, si vous voulez. Oui. Et puis le fait que l'Union soviétique soit proche de Cuba est un vrai problème, une épine dans le pied là pour les Américains, puisque Cuba est à quelques encablures de la Floride, on le rappelle. On arrive à la fin de cette interview, c'est dommage. Je voudrais juste qu'on dise un mot de Brejnev, Léonid Brejnev, l'anti-héros, donc ça c'est votre biographie, donc la biographie de Brejnev, donc vous résumez cet homme comme l'anti-héros, que voulez-vous dire ? Alors, l'anti-héros, c'est qu'on a une image négative de Brejnev. On se souvient du Brejnev vieillissant, sénile de la fin de sa vie, bardé de médailles, pouvant à peine énoncer quelques phrases simples dans ses discours, etc. C'est une image d'anti-héros qui est restée, et c'est aussi, d'une certaine manière, c'est très intéressant, parce que c'était une stratégie politique pour Brejnev pendant des années, pour rassurer son entourage sur ses intentions, et rester au pouvoir aussi longtemps, puisqu'il est resté au pouvoir pendant 18 ans. Il y a une continuité entre Brejnev et Khrouchtchev, puisque le sujet de cette émission, c'est quand même Khrouchtchev. Mm-hmm. Brejnev, même s'il a participé au complot de 64 qui a permis d'évincer finalement Khrouchtchev, il a repris beaucoup d'idées de Khrouchtchev. Et lui-même se rendra aux États-Unis d'ailleurs en 1973, dans des conditions très différentes du voyage de Khrouchtchev de 59. Khrouchtchev, en 59, c'était, vous l'avez dit, un homme qui a été suivi par les journalistes 24 heures sur 24. Oui. Brejnev en 73, c'est un homme qui est isolé, qu'on ne voit pratiquement pas. Et c'est là l'une des clés, oui, finalement, de ce déclin de l'Empire soviétique qu'on va connaître plus tard sous Gorbatchev. Puis Brejnev, on pense à Brejnev, glacis soviétique. À l'époque, Brejnev peut imagine qu'un jour, ce glacis puisse se fendre. Merci infiniment, Andrei Kozhevoy. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Et Affaires Sensibles, aujourd'hui le voyage de Khrouchtchev aux États-Unis, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.